Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Radio Fadjet dans l'émission des livres et des mots. Je suis Théotime, et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Marine. Bonjour. Héloïse. Bonjour. Et Anissa. Bonjour. Elles vous ont programmé un petit tour des auteurs qui les ont marqués, de quoi, on l'espère, vous donner envie de les lire à votre tour. Marine, qui as-tu en tête pour commencer ? Alors, je vais vous parler de deux auteurs locaux. Le premier, c'est L'Homme étoilé, et il vient de Metz. Et la deuxième, c'est Mélodie Gornet, et elle est née dans les Vosges. Tu nous présentes bien notre région, à ce que je vois. Et toi, Héloïse ? J'ai eu envie de vous faire découvrir ou redécouvrir deux auteurs et illustrateurs français, Timothée Leboucher et Benjamin Lacombe. De quoi nous mettre l'eau à la bouche. Et enfin, Anissa ? Pour ma part, on va partir à l'étranger, avec une romancière américaine, Mary Higgins Clark, une ancienne reine du suspense, et un mangaka japonais avec Naoya Matsumoto. Ce voyage au-delà des frontières me semble passionnant. Une belle programmation pour nos auditeurs. Marine, tu veux bien commencer ? Avec plaisir. Comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de l'auteur de romans graphiques messin, L'Homme étoilé, et de son vrai nom Xavier. Il a écrit deux ouvrages, À la vie et Je serai là, chez Calman Levy. Il vient d'ailleurs de sortir une intégrale regroupant ces deux ouvrages. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de cet auteur spécifiquement ? C'est qu'il me fait un peu penser à Superman. Ah ouais ? Carrément ? Oui, tu vois, Superman, quand il porte ses lunettes, il est Clark Kent, un super journaliste. Puis quand il les enlève, il sauve des gens en collant bleu et slip rouge. Et ben pour L'Homme étoilé, c'est à peu près pareil, mais dans la vraie vie. Il est connu pour ses dessins, mais dans la vie de tous les jours, Xavier porte une blouse de super-héros. Il est infirmier en soins palliatifs, et son super-pouvoir, c'est de rendre les derniers instants précieux. Avec ses dessins, il met en avant l'importance de ces moments que l'on déteste tant, et il les rend beaux. Tu peux nous en dire un peu plus sur lui ? Alors, il est d'origine belge et il vient s'installer vers Metz pour rejoindre sa compagne. Ils ont une petite fille et ils travaillent donc dans un hôpital de la métropole. En 2017, il se lance sur Instagram et c'est grâce à une de ses patientes, Mathilde, qui décide de publier ses dessins de son quotidien. Il raconte quoi exactement ? Ben un peu de tout, des histoires touchantes, des délires sur des chansons, des moments qui l'ont ému aussi. Ça doit être très triste, non ? Ça peut, mais c'est aussi très touchant. On rigole beaucoup aussi. Tu sais, si Xavier a commencé à dessiner et à raconter ses histoires, c'est parce qu'il en avait marre que les gens fassent des grimaces quand il racontait son métier. Et quand tu lis son roman, tu comprends qu'il y a de belles choses et des instants précieux. Et pourquoi L'Homme étoilé ? Ça aussi, c'est expliqué dans le livre. Pour te la faire courte, une patiente, Blanche, l'a surnommée ainsi à cause des étoiles tatouées sur son bras. Bon, faut dire, il passe pas inaperçu, il fait 1m95 et est rempli de tatouages. Mais ce qu'on retient surtout, c'est sa douceur et sa pudeur. Ses collègues disent que c'est un chamallow dans une armoire à glace. Donc si vous voulez découvrir toutes ces histoires touchantes, drôles et sincères, fonchez chez votre libraire pour vous procurer ces ouvrages. C'est donc À la vie et Je serai là de L'Homme étoilé, disponible aussi en intégrale. Ça coûte entre 10 et 17 euros, ce sont des pépites et il faut absolument vous les procurer. Merci Marine pour cette découverte émotive. Héloïse, je crois savoir que tu as aussi un auteur de romans graphiques émouvant à nous présenter. Totalement. Timothée Leboucher est un de ces auteurs qui parviennent à m'émouvoir. Typiquement, quand je me lance dans la lecture de l'un de ses romans, je fais en sorte d'être seule parce que je sais que je vais lâcher une larme. Timothée Leboucher est donc scénariste, dessinateur et coloriste de romans graphiques. D'ailleurs, il serait peut-être intéressant de faire une parenthèse pour expliquer ou rappeler ce qu'est le roman graphique ? Marine, comme tu es la première à nous avoir parlé de romans graphiques, peux-tu nous en dire un peu plus ? Pas de souci. Le roman graphique, c'est une sorte de bande dessinée avec des codes un peu plus souples que la BD franco-belge ou les comics. Généralement, ce sont des one-shots, donc une histoire complète, en un seul volume, avec des thématiques plus adultes. Le traitement graphique est plus souple aussi. On est plus libre. Libre dans la composition des images ou même dans celle de la page. On peut trouver des trucs expérimentaux, voire perturbants. Enfin, un bon moyen de les différencier, c'est la taille de l'œuvre. C'est beaucoup plus épais qu'une BD traditionnelle. C'est vrai qu'en librairie, on voit la différence entre une BD classique et un roman graphique. Après, comme je te l'ai dit, les codes sont libres, donc on peut avoir des formats plus petits et souples, ou des formats plus grands avec une couverture dure. Un univers très riche qui se construit avec chaque nouvel auteur, en fait. Pourquoi Timothée Leboucher est-il important dans le genre du roman graphique, Héloïse ? À mon sens, sa production est importante dans le genre parce qu'il s'intéresse à des problématiques actuelles telles que l'identité. Mais avant tout, je vais vous parler un petit peu de son histoire et de son parcours. Donc Timothée Leboucher, c'est un jeune auteur d'une trentaine d'années qui a publié son premier roman graphique, Skins Party, en 2011, chez Manulo Sanctis. Et je trouve ça assez fou parce qu'il a une vingtaine d'années à ce moment-là. Et il est en troisième année, dans le supérieur, dans une école d'art à Angoulême. Donc ça veut dire que dans la même année, il publie Skins Party et il passe son diplôme d'art, ce qui est à peu près l'équivalent d'une licence, avec un tas de projets à faire pour son diplôme, justement. Et puis, c'est un projet ambitieux qui soulève plein de thématiques et de problématiques. Ici, Timothée Leboucher nous parle d'une jeunesse qui aime la fête. Une fête sans limite, où l'alcool coule à flot et où la musique emporte corps et esprit dans une soirée qui, une fois lancée, est impossible à arrêter. Le travail d'illustration est à la fois précis, raide et sensuel. Les couleurs sont folles et la narration est incroyable. Comme cette soirée, il est impossible de décrocher du livre. C'est ce titre qui t'a bouleversé ? Non, celui qui m'a complètement retournée, c'est « Ces jours qui disparaissent ». Ce roman graphique est paru en 2017 chez Glénat et a eu un succès retentissant. Et c'est mérité. Donc c'est l'histoire d'un jeune acrobate d'une vingtaine d'années qui a son groupe de potes et avec qui il forme justement cette petite troupe d'artistes. Il a une petite amie et un job alimentaire parce qu'il n'est pas du tout connu. Mais un jour, en pleine représentation, il tombe. Et à partir de là, il se passe quelque chose de vraiment étrange. Un jour sur deux, sa vie ne lui appartient plus. Un autre, son alter ego, on pourrait dire, prend le contrôle total. Au début, ils parviennent à communiquer, à échanger, c'est régulier et parviennent à organiser leur vie partagée. Mais au fur et à mesure, son autre prend de plus en plus de place, reste de plus en plus longtemps. Je ne vais pas en dire plus, mais ce titre est superbe. Les messages de fond sont puissants et ils ont résonné tellement fort en moi que j'ai dû passer la moitié du roman à pleurer. Je ne te pensais pas aussi émotive. Qu'est-ce que ce roman t'a apporté ? Dire que ce roman m'a secouée serait presque un euphémisme. Ce roman m'a permis vraiment d'aller plus loin dans mes propres questionnements et ma propre réalité. Dans « Ces jours qui disparaissent », tout comme dans les autres titres de Timothée Le Boucher, il nous parle d'une jeunesse, de sa violence, de ses excès, des relations amoureuses, amicales et familiales. Mais il y a aussi une place hyper importante, presque centrale en fait, de la mémoire et de l'identité sous toutes ses formes. Eh ben, rien que ça. En tout cas, ça donne très envie de se pencher sur cet auteur et ses romans graphiques. Je propose une petite pause musicale après cette présentation précise sur le travail de Timothée Le Boucher. Je vous propose d'écouter un morceau de Queen, Bohemian Rhapsody, un hommage à l'un des patients de l'homme étoilé. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo! Galileo! Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Vous êtes bien sur Radio Fadjet dans l'émission des livres et des mots en compagnie de mes consoeurs qui vous présentent des auteurs à découvrir ou redécouvrir. Anissa, quelle personnalité as-tu retenue pour nous ? Alors, pour ma part, je vais commencer par l'Ouest, en Amérique. Vous connaissez peut-être une ancienne reine du suspense, Mary Higgins Clark, une romancière américaine. Je ne sais pas pour les autres, mais personnellement, je ne la connais pas. Elle a connu son apogée dans les années 80-90, où chacune de ses nouvelles sorties provoquait des fortes émotions pour ses lecteurs. Le succès accompagne tous ses titres. Elle est née en décembre 27 et malheureusement est décédée en janvier dernier. Elle s'est intéressée à la littérature très jeune, en commençant à écrire des poèmes à 6 ans. Wow, 6 ans ? Elle rigolait pas. Oui, elle a commencé très tôt. Avant de commencer dans le monde de la littérature, Marie était hôtesse de l'air et a même été filmée quand elle a escorqué un enfant de 4 ans sur les marches de l'avion en attendant sa mère. Son premier roman est un roman à suspense, sorti en 75, La Maison du Guet, qui est très vite devenu un best-seller. C'est le récit d'une mère accusée d'avoir assassiné ses deux enfants. Marie se fait découvrir en France, 2 ans plus tard, avec La Nuit du Renard, lequel remporte le Grand Prix de littérature policière. J'avoue que ça m'intrigue beaucoup. Il parle de quoi ? Eh bien, il raconte l'histoire d'un jeune garçon, Neil, qui a assisté à la mort de sa mère, assassiné par un homme. L'homme, qui est condamné à mort, a toujours clamé son innocence. Un autre homme, appelé Renard, enlève le petit Neil ainsi qu'une jeune journaliste en disant qu'il va faire sauter la gare où ils seront séquestrés avec une bombe au moment même où Ronald, l'homme qui aurait tué la mère de Neil, meurt. Effectivement, on change radicalement de style par rapport aux autres auteurs. Oui, complètement. Ensuite, quelques années plus tard, en 80, Marie crée sa propre société, la DJ Clark Enterprises. Et où peut-on trouver ses livres ? Si vous voulez trouver ses livres, elle se fait éditer chez Albin Michel, dans la collection Special Suspense, qui compte 22 de ses 26 romans en France. Elle a reçu plusieurs prix littéraires, comme le Grand Prix de littérature policière en 80, ou encore le Grand Master Award en 2000. En 2019, Marie publie son dernier roman, Kiss the Girl and Make Them Cry, qui raconte l'enquête d'un journaliste sur le harcèlement pratiqué dans une chaîne de télévision. Elle était quand même connue, au point qu'il y a eu un sondage paru dans Le Monde en 99, la plaçant dans les auteurs les plus lus par les jeunes de 12 à 30 ans. Sachant qu'un grand nombre de lecteurs de suspense devraient la connaître, est-ce que ces romans ont été adaptés au cinéma ? Oui, il y en a eu deux, dans les années 80. Otage de son roman La Nuit de Renard et Where Are the Children, du même nom, en français qui a été traduit en tant que La Maison du Guet. Certains ont même été adaptés à la télé. France 3 a créé une collection de téléfilms comme Où était maintenant, Deux petites filles en bleu, Toi que j'aimais tant, tous sortis en 2014 et tous adaptés des romans de Marie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, est-ce que tu aurais une première lecture à nous proposer ? Voyons, pour une première lecture, je pense vous proposer Le fantôme de Lady Margaret, une nouvelle d'une centaine de pages, qui est pleine de rebondissements. En gros, elle raconte l'histoire d'une jeune américaine faisant des recherches sur une femme décapitée au XVIIe siècle et des attentats visant la famille royale. J'ai l'impression que nos auditeurs auront de quoi avoir des frissons. Je propose que nous partions dans un tout autre univers qui peut parfois se rapprocher de l'étrange. En effet, je voudrais vous transporter dans le monde bien particulier d'un auteur dont j'apprécie le travail. Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais je suis à peu près sûre que vous avez déjà croisé, au moins une fois dans votre vie, ses travaux. Tu veux nous parler de Benjamin Lacombe ? Tout à fait. Ce n'est pas du tout comme si on avait préparé le sujet en amont. Mais non, tout n'est qu'improvisation, voyons. Bref, prêt pour ma revue ? Comme Timothée Le Boucher, mais quelques années avant lui, Benjamin Lacombe entreprend des études d'art à Paris. Il va illustrer quelques titres pendant ses années à l'école, mais c'est avec son projet de fin d'études, nommé Cerise Griotte, que sa carrière dans le monde du livre va vraiment commencer. Benjamin Lacombe, lui, travaille principalement dans la littérature jeunesse, même s'il a montré tout son savoir-faire lorsqu'il a illustré les contes macabres d'Edgar Allan Poe et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, tous deux parus aux éditions Soleil en 2010 et 2011. Il a une renommée mondiale et a eu l'occasion de travailler avec des maisons d'édition du monde entier, notamment avec celles d'Espagne, des États-Unis ou de Corée. Il en a fait des choses. Oui, c'est vrai. Mais il reste un auteur français qui travaille principalement pour la production éditoriale française. Ça fait d'ailleurs une quinzaine d'années que l'on trouve Benjamin Lacombe dans le paysage éditorial. Avec près de 70 publications, on peut aisément dire que c'est un auteur prolifique. Lorsqu'il ne travaille pas sur ses propres textes, Benjamin Lacombe illustre les textes d'autres auteurs contemporains. Il a d'ailleurs beaucoup travaillé avec l'auteur Sébastien Pérez et leur dernière publication est « La meilleure maman du monde » parue chez Margaux. C'est un album tout doux pour les enfants des 5 ans. Benjamin Lacombe illustre aussi beaucoup de contes classiques à partir des textes soit originaux, soit de réécriture. Parmi les personnages qu'il a illustrés, on peut retrouver Alice et le Pays des Merveilles, Bambi ou encore Blanche-Neige. Des personnages on ne peut plus classiques en effet. Les personnages le sont, les histoires peuvent l'être aussi, mais son traitement est complètement original. L'univers de Benjamin Lacombe est aussi hypnotique et mystérieux qu'effrayant. On y trouve des poupées de cire aux grands yeux expressifs avec des petites mains délicates, des paysages et des décors sublimes et vibrants d'une âme, ouais c'est ça. Il parvient vraiment à infuser une âme dans ses illustrations. Une âme tantôt terrifiante, comme dans Blanche-Neige, publiée chez Milan en 2021, tantôt merveilleuse et étrange, comme dans Madame Butterfly, publiée chez Albin Michel en 2016. Ça me dit quelque chose. C'est quoi l'histoire déjà ? De Madame Butterfly ? Ok, à l'origine en fait, Madame Butterfly c'est un opéra italien. Et Benjamin Lacombe reprend en fait cette histoire de jeune officier américain qui tombe amoureux d'une jeune geisha au Japon. Une histoire assez simple qu'il va traiter sous la forme et sur l'image d'une manière assez particulière. Déjà c'est un leporello, c'est-à-dire que c'est une seule et même page pliée qui, une fois dépliée, forme une gigantesque fresque de 8 mètres de long. Il faut un peu imaginer que chaque illustration fait plusieurs pages au format A4. C'est magnifique. En plus, les illustrations sont faites à la main, au crayon de couleur et à l'aquarelle. C'est un traitement doux et tout en légèreté des images. Pour autant, Benjamin Lacombe a un souci du détail tel qu'on pourrait passer de longues minutes à détailler ces images. Ça donne de la texture et énormément de profondeur aux illustrations. C'est un délice pour les yeux, vraiment. Donc si je comprends bien, la prochaine fois qu'on va en librairie, on doit trouver les livres de Benjamin Lacombe pour s'en mettre plein les yeux. Oui, les illustrations imprimées dans les livres, c'est mieux. Mais si vous ne pouvez pas attendre pour découvrir ses œuvres, il a un compte Instagram, Benjamin Lacombe, et il poste très régulièrement ses illustrations. Et c'est magnifique à chaque fois. Tout cela me semble plein de poésie. Ça donne envie. Tu as mentionné le Japon dans ta présentation, et il me semble que Anissa a justement un auteur nippon à nous présenter. Pour entamer ce voyage vers l'Asie, je vous propose un peu de musique avec Dynamite des BTS. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hit a baseball, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach trade like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow. Jet à Nancy sur 94.2. Nous sommes toujours sur Radio Fadjet dans notre émission des livres et des mots. Pour cette deuxième partie, nous reprenons donc avec Anissa et son auteur japonais. Oui, exact. Un bon auteur d'ailleurs, qui a sorti chez Kaze sa toute nouvelle série. Pour les amateurs de manga, si je vous dis kaiju, vous savez de quoi je parle. Le kaiju numéro 8 de Naoya Matsumoto. Mais qui est ce Naoya ? Eh bien, c'est un mangaka qui a commencé sa carrière en 2005 avec des histoires courtes, des one-shots, sélectionnés à des concours organisés par le Jump. One-shot, c'est bien un manga en un tome, non ? Oui, ça peut, mais ça peut être aussi sur un seul chapitre. Et le Jump ? Je ne suis pas sûr de connaître. Alors, le Jump, lui, c'est un magazine super connu au Japon, qui sort toutes les semaines avec un chapitre de plusieurs mangas. En France, ça serait l'équivalent des scans qu'on peut trouver sur Internet. Mais avant tout ça, il publie dans plusieurs magazines japonais, comme sa première série régulière, Neko Appa, sortie dans le Jump lui aussi. Quelques années plus tard, il sort Pochi Ikuro, qui est une série en 4 tomes, sortie en France en 2017 chez Kaze. C'est orienté dans le registre comique. On y suit les aventures d'une lycéenne et d'un démon qui la protège d'autres démons cherchant à la dévorer. Ensuite, 5 ans plus tard, il vient sa toute nouvelle série, Kaiju numéro 8, qui aujourd'hui, en termes de premier tirage, rivalise avec One Piece et My Hero Academia. Mais au fait, c'est quoi Kaiju ? Pour faire simple, Kaiju, en japonais, ça veut dire monstre. Personne ne sait d'où ils viennent. Dans ce manga, on nous parle du Kaiju numéro 8, le 8e monstre à avoir un nombre, un des plus forts jamais apparus au Japon. Ce qui explique le titre. Oui, mais il y a un bémol. Ce monstre est en fait un humain, Kafka Ibino, qui, par malchance ou par chance, a avalé une mystérieuse créature, le transformant en kaiju. Et il y a aussi un autre problème. Kafka veut intégrer les forces de défense qui combattent les kaijus et protègent la population. On suit donc son histoire. Oui, mais pour l'instant, il n'y a que 2 tomes, alors il va falloir attendre pour la suite. Le premier est sorti en octobre et le deuxième en décembre. Une nouveauté qui se doit d'être dévorée, sans mauvais jeu de mots. Marine, tu as l'honneur de continuer. Merci Théotime, j'en suis ravie. Pour reprendre avec la jeunesse, je vais vous parler d'une jeune auteure, Mélodie Gornet. Elle est née en 1991 et a déjà publié 3 romans chez Thierry Magny Éditions. Tu peux nous en dire plus sur ses romans ? Bien sûr ! Son premier roman, Tout revivre, est une vision novatrice du deuil. On va retrouver des thématiques de tristesse, de relations familiales, du harcèlement ou encore de la violence. Ça a l'air plutôt intense pour des livres jeunesse. C'est vrai, mais en surface. Car si on devait retenir qu'une seule chose, c'est l'espoir. Ce récit est une bouffée d'air frais sur les difficultés de la vie. Dans son deuxième ouvrage, Les filles du Nord, on part en Écosse pour suivre Madison. Ici, on reparle de construction, de santé mentale, de partir pour mieux se retrouver. Comme dans son premier tome, Mélodie s'est trouvé les mots justes pour résonner en nous. Et enfin, son dernier livre, Citron, est un livre qui casse les codes. C'est un peu le point commun entre tous ces livres. Mélodie, elle a une écriture singulière, et elle nous le prouve ici en redéfinissant la romance pour adolescents. Oubliez les hardines super toxiques à la After ou les beaux gosses impossibles à avoir comme ceux de chez Audrey Carland. Dans son roman, on retrouve enfin une notion de réalité. Il me semble que Citron fait partie d'une collection intéressante. En effet, ce livre fait partie de la collection L'Ardeur chez Thierry Magnier. Elle se compose de 8 romans et ils ont tous le même but. Normaliser tout type de sexualité, sans tabou ni superflu. Enfin, une collection qui parle correctement de sexualité. En plus, les couvertures sont sublimes. Autant vous dire que j'ai eu du mal à sortir certains romans de New Romance dans les transports en commun avec la couverture stéréotypée, mais pas ici. Fini les torses nus d'hommes plus musclés les uns que les autres, enfin on a des vraies belles photos de nus. Ni vulgaires ni trash, elles sont sublimes. Et ce roman, de quoi parle-t-il ? Il parle d'une jeune fille, Lana, qui ne se retrouve pas dans la société classique. Elle cherche donc à trouver quelqu'un comme elle sur internet, avec une question. Si tu devais être une glace, quel goût serais-tu ? En quoi c'est important ? Ça va lui permettre de savoir si la personne à qui elle parle est intéressante ou pas. S'y répondre vanille ou chocolat, c'est trop banal pour elle. Quand la réponse est différente, ça attise sa curiosité. Et c'est ce qui va se passer avec un jeune homme. Mais si vous voulez en savoir plus, il va falloir lire le roman. Je crois qu'en plus, tu as rencontré l'auteur. En effet, je l'ai rencontré lors de son premier salon littéraire, le Festival International de la Géographie à Saint-Denis-des-Vosges, en début octobre. Pour la petite anecdote, j'étais bénévole sur ce salon et j'étais placée à côté de son stand. J'ai flashé sur son livre et elle a flashé sur ma veste. Beaucoup d'amour lors de ce salon. Vous y étiez avec Héloïse ? Tout à fait. Je vous invite vivement d'ailleurs à y aller, vous, auditeurs. C'est le meilleur moyen de rencontrer les auteurs et de découvrir de nouveaux titres. Et c'est toujours l'occasion de faire dédicacer ses livres préférés. Pour vous donner envie d'y aller, voici une petite présentation de certains salons littéraires. Oui, on ne va parler que de quelques salons littéraires parce qu'on a vraiment beaucoup et partout en France. Je vais me concentrer sur les principaux festivals littéraires locaux et peut-être que je parviendrai à vous faire sortir de chez vous. Pour commencer, je vais vous présenter le salon littéraire où nous avons rencontré Mélodie Gornet justement. Nous avons eu l'occasion d'être bénévoles pour tenir des tables au FIG, donc le Festival International de Géographie. Cette manifestation se déroule à Saint-Dié-des-Vosges, le premier week-end d'octobre. Chaque année, elle est marquée par un thème particulier et un pays est invité. Cette année, c'était la 32e édition du salon, le thème était le corps et les Europes étaient l'espace géographique invité. Et qu'y a-t-il à voir et à faire à ce festival ? Il y a évidemment des rencontres avec des auteurs, mais il y a aussi des tables rondes, des interviews, des animations. C'est très festif et familial. On peut acheter des plats locaux et traditionnels avant d'aller voir les livres et les auteurs. Il y a tous les genres. Des romans, des beaux livres, des cartes, évidemment, des jeux de la jeunesse, bref, tout ce dont vous avez envie, c'est sûr. Le festival, comme tous les festivals, a ses particularités. Déjà, c'est un événement littéraire où seuls les libraires locaux peuvent participer. La librairie Le Neuf est omniprésente, mais on retrouve le bouquiniste de la ville et une librairie spécialisée en BD. Mais loin de vous cette idée que ce soit un petit salon avec 2 ou 3 stands. Il y a beaucoup de stands et plus de 60 éditeurs sont invités. Les éditeurs ont une place importante au FIG ? Oui, au FIG, ce sont les éditeurs qui sont mis en avant, puisque chaque éditeur loue son propre stand et y propose une partie des titres de son catalogue. Par exemple, moi j'étais bénévole pour la librairie Le Neuf et j'étais sur le stand de Hatier Jeunesse, Rajo Jeunesse et Didier Jeunesse. Marine, elle, était bénévole pour la même librairie, mais elle était sur le stand de l'École des loisirs. Si vous souhaitez plus d'informations sur le salon et connaître le thème de l'année prochaine, peut-être, rendez-vous sur le site internet festival-international-géographie.fr. Merci Héloïse. Tu as d'autres choses à nous présenter ? En effet, toujours dans les Vosges, mais en mai cette fois, une autre manifestation littéraire célèbre la littérature de l'imaginaire. Ce festival s'appelle les Imaginales. Il se déroule à Épinal, dans le parc du Cours. Il est assez jeune puisqu'il fêtera son 20e anniversaire en mai 2022. Je crois qu'Anissa a participé à ce festival. Tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, alors c'était mon premier festival en tant que bénévole, mais également ma première fois aux Imaginales et c'était vraiment super. Il y avait une ambiance géniale, les auteurs ils étaient adorables. J'étais au stand de l'Octopus, une librairie BD manga à Épinal. Mais après, ça change pas le fait que c'est un festival sur l'imaginaire, donc il y avait que des ouvrages sur la littérature imaginaire. D'ailleurs, vous les connaissez peut-être, mais le stand auquel j'étais, il y avait deux auteurs particulièrement demandés, qui étaient Floriane Solas, qui pour l'instant a écrit trois livres, Rouille, Les Noces de la Renarde et Les Oubliés de Lama, et Victor Dixen, connu particulièrement pour sa série Phobos. Et j'ai même pu avoir une dédicace pour Les Noces de la Renarde. Et tu peux nous parler des activités ? Eh bien, il y a des tables rondes, des conférences et plein d'autres événements comme la remise de plein de prix des Imaginales. Mais après, j'ai pas pu aller sur d'autres stands. Donc, je sais pas qui était exactement présent, mais d'après ce que je sais, il y avait Aurélie Wallenstein, auteur du Désert des couleurs ou encore Mère morte, qui a reçu un prix des Imaginales. Il n'y a pas que des auteurs de romans. Il y a aussi des auteurs de BD, des universitaires, des scientifiques et des historiens. Il y a également des interprètes qui suivent des auteurs étrangers, comme Samantha Shannon, auteur du Prieurier de l'Orient G, et The Bonne Saison. Voilà, voilà. Je vous recommande vivement d'y aller faire un tour. Le prochain est en mai, du 19 au 22. Merci Anissa pour ton retour sur ce festival. Avant de continuer, je vous propose une nouvelle pause musicale avec Lone Digger de Caravan Palace. Spinning, you feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mom, how's it going? Can see your body moving. Don't leave the party dying. Keep booty shaking, you know. Your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? What's the countdown? Body, body coming with a super hottie. Let's go, go slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up on the beams when I come upon the scene. Sound is ringing, they don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, brother, nice and steady. Put down your drink, you ready. It's hot when things get messy. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? What's the countdown? Body, body coming with a super hottie. Let's go, go slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the scene. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Fadjet en compagnie de Marine, Héloïse et Anissa pour la dernière partie de notre émission des livres et des mots. Héloïse, as-tu d'autres festivals à nous présenter ? Oui, notamment un très jeune événement littéraire, le Festival New Romance by Hugo Romance. Cet événement a 5 ans et chaque année il pose ses valises dans une nouvelle ville. En 2021, il s'est déroulé à Reims d'ailleurs. Le salon réservé exclusivement à la New Romance organise différentes animations, des rencontres, des masterclass ou encore des soirées de gala avec des auteurs. Les prix littéraires sont également décernés à l'occasion de cet événement. Étant un festival organisé par la maison d'édition Hugo & Company, vous ne trouverez que des ouvrages publiés par la maison. Ça offre un panel assez limité d'ouvrages alors. On pourrait le croire, mais la maison d'édition édite de nombreux auteurs français et internationaux, et beaucoup d'entre eux participent au salon. Ensuite, cette manifestation littéraire est particulière, parce qu'il faut la voir un peu comme un parc d'attractions avec une entrée payante et différents services, certains étant payants et assez chers. Je vous recommande donc de vous rendre sur leur site internet festivalnewromance.com pour avoir toutes les formules et découvrir quelle sera leur destination pour 2022. On dirait presque une soirée privée. Tu as autre chose ? Oui, l'avant-dernier festival que je souhaite vous présenter est Messin, le livre à Metz. Ce festival se passe en juin, en plein cœur de Metz, dans les jardins de l'Esplanade. Littérature et journalisme sont invités à se mêler le temps d'un week-end riche en programmation. Tous les genres littéraires sont invités, BD, jeunesse, essai, écologie, etc. La littérature dans son ensemble finalement. Rencontres, littérature, entretiens, débats, expositions et masterclass sont une partie du programme du festival. Tout comme les autres salons, vous trouverez la programmation et les invités sur leur site internet, lelivreametz.com. Et pour finir, je souhaite vous présenter la plus locale des manifestations littéraires pour nous, le Livre sur la Place, qui se déroule le deuxième week-end du mois de septembre à Nancy. C'est d'ailleurs le premier salon national de la rentrée littéraire. En même temps, qui pourrait rivaliser avec l'organisation de la ville de Nancy ? La ville tient particulièrement à son salon en effet. Ce salon est un peu spécifique, puisqu'il promeut surtout les auteurs. Ils peuvent être très connus ou nouveaux dans le milieu, c'est très diversifié. Les libraires présents à la manifestation invitent des auteurs et proposent au public une sélection des ouvrages de ces auteurs. Par conséquent, c'est un festival qui s'organise autour des auteurs et en particulier de leur travail. Le public peut rencontrer ces auteurs et échanger quelques mots avec eux. Il y a aussi de nombreuses tables rondes, des interviews, des rencontres, des discussions qui sont organisées. Ce qui est très intéressant avec ce festival, c'est qu'on ne retrouve pas uniquement des auteurs édités par des maisons d'édition, on retrouve aussi des auteurs auto-édités. Comme vous pouvez le voir, c'est un salon très riche et diversifié. De quoi remplir nos week-ends de belles rencontres. Pour continuer, je vous propose de faire un petit tour sur l'actualité littéraire. Anissa va nous parler du prix Goncourt des lycéens. Il a été de nouveau attribué à une jeune auteure. Bien, pour commencer d'abord, je vais vous faire un petit rappel sur le prix Goncourt des lycéens. C'est un prix créé à l'initiative de la FNAC et du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ce prix réunit 2000 élèves de toute la France. Le jury est issu d'une cinquantaine de classes de lycée. La gagnante de cette année est Clara Dupont-Mono pour son roman S'adapter, publié chez Stock, qui était bien au livre sur la place cette année. Elle a reçu son prix le 25 novembre 2021 à Rennes. S'adapter est sorti le 25 août et a également reçu le prix Femina et le prix Landerneau. Le roman était aussi dans la sélection prix Goncourt, mais n'a pas été choisi comme finaliste. Tu peux nous dire rapidement de quoi parle ce roman ? Ce roman raconte l'histoire d'une famille qui est bouleversée par la naissance du dernier enfant, un garçon handicapé, polyhandicapé. Elle a raconté l'histoire de ce garçon à travers le regard de la fratrie. Si pour l'aîné, il s'attache énormément à ce nouveau petit frère, fragile et différent, pour la cadette, la relation est un peu plus complexe. Comme dit dans un passage, ce qu'elle voyait d'abord, c'était une marionnette toute pâle qui demandait les soins d'un éternel bébé. La sœur est partagée entre le dégoût, la colère et la tristesse. Elle a du mal à s'adapter. D'où le titre du roman. Oui, voilà. Clara, elle, a 48 ans. Elle vient d'une famille dans les Cévennes, au sud-ouest de la France. Elle est diplômée en ancien français et a été nommée directrice littéraire en charge de la non-fiction chez J.C. Lattès en 2019. Elle a été également reporter, journaliste, grand reporter, puis rédactrice en chef de différents magazines. Clara se présente chaque dimanche depuis la rentrée sur l'antenne Livres et Châtiments, qui malheureusement va s'arrêter après les fêtes de fin d'année. Elle a aussi été invitée dans l'émission littéraire Clara et les Chics Livres et animé une chronique littéraire dans Si tu écoutes, j'annule tout, devenue Par Jupiter sur France Inter du lundi au vendredi à 17h. Pour l'instant, S'adapter s'est vendu à près de 35 000 exemplaires selon GFK. Après 14 ans pour le rapport de Brodeck de Philippe Claudel, c'est la deuxième fois qu'un auteur édité chez Stock remporte ce prix. Clara succède à Djihali Amadou Aman, représenté par le prix Goncourt des lycéens en 2020 pour Les Impatientes aux éditions Emmanuel Colas. Merci Anissa pour ta présentation. Pour finir en beauté cette émission, Marine va nous proposer un petit jeu. En effet, je vous ai préparé des devinettes autour d'anecdotes sur le livre et les auteurs. Alors, vous connaissez tous Marcel Proust et sa fameuse Madeleine. Savez-vous qu'à la base, ce n'est pas une Madeleine qui ravive les souvenirs d'enfance de l'écrivain? Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Une sorte de brioche, peut-être? Une femme. Alors, c'est quelque chose qui se consomme au petit déjeuner. Une femme. Mais un aliment. Du pain? C'est pas loin. C'est pas loin du tout. La brioche? Non, ça se rapproche un peu plus du pain. Alors, dans du la pain brioché. Dans la première version de la recherche, rédigée en 1907, c'est le souvenir du pain grillé, exactement, mais avec du miel, qui émeut l'écrivain, avant qu'il soit remplacé par une biscotte dans la deuxième version. Et donc la petite Madeleine, elle apparaît finalement dans le fameux roman Du côté de chez Swann en 1913. Alors pour continuer, on va parler d'Agatha Christie. Agatha Christie, elle a fait déplacer plus de 1000 policiers et 15 000 volontaires. Est-ce que vous serez deviné pourquoi? Non, je sais pas, mais elle a écrit quelque chose dans un journal, il me semble. Non, c'est pas non. Ça. C'est avec Les Petits Nègres, non? Son bouquin Les Petits Nègres avec... Non plus. Non. Non, c'est quelque chose qu'elle a fait et qui a fait déplacer énormément de foules. Qu'elle a fait? Ouais. Une séance de dédicace. Non. C'est quelque chose qui se passe souvent dans ses livres, en plus. Un crime? Elle a simulé un meurtre ou un... Pas loin, une scène pas loin. De crime. En fait, le 4 décembre 1926, Agatha Christie a disparu. Ah donc, il y a eu de nombreuses théories, des kidnappings, des accidents, des meurtres. Certains vont même penser qu'elle a été enlevée par son mari. Et en fait, elle va réapparaître 11 jours plus tard, dans un hôtel, sous un faux nom. Et elle va évoquer une amnésie soudaine. On ne saura jamais réellement ce qui s'est passé pendant ces 11 jours. C'est fou. Je trouve ça dingue aussi. Alors maintenant, on va partir dans la BD, chez les Gaulois. Vous connaissez nos amis Astérix et Obélix. Bien mais sûr. Est-ce que vous savez d'où proviennent ces prénoms? Alors on va commencer par Astérix, c'est le plus simple. Du symbole ouais, de typographique. C'est ça, c'est le symbole typographique. Exactement, c'est vraiment ça de l'Astérix. Donc c'est une petite étoile qui est souvent utilisée pour notifier un renvoi en bas de page. Et les auteurs ont également opté pour ce prénom parce qu'il commençait par la lettre A. Et du coup, il allait être plus haut dans les classements alphabétiques des futures encyclopédies pour la bande dessinée. Comme quoi, ils ont vraiment pensé à tout directement. C'est malin. Et pour Obélix, à votre avis? Parce qu'il est gros. Obélix, oui, Obélix, obèse, quelque chose dans... Bon, alors ça a un rapport avec la nourriture aussi, mais c'est pas sur ça. Ça vient en fait de obélos, donc c'est du grec, et ça veut dire à rôtir. Moi, je trouve que ça lui va parfaitement bien, surtout clairement. Avec les sangliers. Clairement. Et ça vient aussi donc d'un signe typographique qui est utilisé dans le passé pour noter les passages douteux d'un manuscrit. Donc pour dire un peu que voilà, il y a eu un petit côté bizarre sur Obélix, comme il est tombé dans la marmite quand il était petit. Bon alors, on va repartir dans le passé avec Apollinaire. En 1911, il passe une journée en prison pour le vol d'une œuvre d'art. Je vous laisse deviner laquelle c'est. En 1911. En 1911. Mais c'est vaste quand même, les œuvres d'art. C'est une œuvre qu'on peut trouver en France. La Tour Eiffel. Qui est très connue, qu'on peut voler. C'est quand même un bon indice. La Tour Eiffel, c'est pas très pratique à voler. Alors là... On va dire que ça fait déplacer beaucoup de touristes, cette œuvre d'art, encore aujourd'hui. La Joconde, vraiment? La Joconde. Franchement, j'ai hésité, je me suis dit, non, quand même. Ça se trouve, elle était même pas peinte, mais si, parce que c'est un... Au secours! Le 21 août 1911, les gardiens du Louvre ont découvert que la Joconde, peinte par le célèbre peintre Léonard de Vinci, avait disparu. Et donc, pendant 2 ans, l'affaire va passionner l'opinion. L'enquête inquiète rapidement le célèbre poète français Guillaume Apollinaire. Et il a en sa possession des statuettes et une sculpture de son ami Guéry Pierret, qui les avait volées au Louvre en 1907. Et donc, ce dernier prétend avoir volé la Joconde et demande une rançon de 150 000 francs, quand même. Et Apollinaire, donc, du coup, est accusé de complicité de vol par recel et est brièvement emprisonné pendant une journée. Comme quoi, faut bien choisir ses amis, hein, parce que là... C'est l'euro symbolique de la prison, quoi. C'est ça, c'est une heure... Alors, continuons avec les grands auteurs. En 1880, la ville de Paris, elle a voulu faire un cadeau à Victor Hugo. J'étais sûre que c'était Victor Hugo, j'étais sûre, te connaissant. Donc à votre avis, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Alors un indice, parce que c'est quand même très très large, c'est un rapport avec son logement. Un lit. Un meuble. Oui, j'aurais dit une casserole, quelque chose comme ça. Non, alors, ils ont été beaucoup plus imaginatifs que ça. La ville de Paris a tout simplement décidé de nommer la rue où, dans laquelle habitait Victor Hugo. Donc, c'est là, c'était l'avenue d'Ellerot. Et ils l'ont nommée la rue Victor Hugo. Donc, Victor Hugo a habité rue Victor Hugo. Moi, je trouve que c'est quand même très narcissique. Ouais, j'aurais déménagé direct, hein, vraiment. Et là, tu fais toutes les villes. Toutes les rues, ça s'appelle Victor Hugo. Bon, alors, on va continuer sur Victor Hugo, comme j'aime beaucoup cet auteur. Est-ce que vous savez quelle habitude il avait quand il écrivait? Alors, c'est une habitude, faut pas, c'est pas politiquement correct. Il l'opium écrivait tout nu. Exactement ça, c'est sûr. Alors, c'est une anecdote, mais il est dit que Victor Hugo aimait écrire entièrement nu. L'anecdote provient d'un valet à qui il aurait confié ses vêtements, lui ordonnant de lui rendre quand il aurait fini son travail du jour. C'est pas quelque chose qu'on fait quand on a un gros meeting, quand même. Hein, faut... Alors maintenant, on va parler de Michel Houellebecq. Dans son roman intitulé « La carte et le territoire », Michel Houellebecq a recopié plusieurs extraits d'articles Wikipédia. Donc l'auteur y réfute toutes les accusations de plagiat et y défend un choix artistique. À vous de vous faire votre propre opinion sur le sujet. Enfin, pour conclure sur ce petit jeu, repartons quelques siècles en arrière. Un auteur très célèbre a inventé un terme qui fut utilisé il y a quelques années. Savez-vous qui a inventé le mot « swag » ? Swag ? Swag ? Oui, vous savez ce qu'on utilisait quand on était jeune et qu'on voulait jouer un peu... Donc, il y a quelques siècles ? Il y a... Oui. Alors, pour un petit indice... J'ai eu Platon ou des trucs comme ça. Non, alors, il y a moins longtemps, c'est un auteur qui a écrit une des histoires d'amour les plus connues au monde. Shakespeare. C'est Shakespeare, en effet. Donc, le mot « swag » a été inventé par William Shakespeare. En effet, à l'origine, le dramaturge a inventé le verbe « to swagger », signifiant « fanfaronner » et l'a utilisé dans son écriture. Comme quoi, on n'était pas très jeune quand on utilisait cette expression. Effectivement. Et merci Marine pour ce petit jeu très divertissant. Il est malheureusement l'heure de nous quitter, mais ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, nous vous laissons entre de bonnes mains sur Radio Fadjet. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt avec une deuxième émission. Cette fois-ci, nous aurons l'honneur de recevoir un ou une auteur dans le studio pour discuter. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir.